Toi-même tu sènes les 9, 7, 6. Wasri Nazatru Jore Masilsil Taufe Sama morde wa miana pa toujours dans le système arrive à nous chiriza. Représente 976 sans oublier mon quartier m'tadze bonobo. Sama morde wa miana pa toujours dans le système arrive à nous chiriza. Représente 976 sans oublier mon quartier m'tadze bonobo. Je suis dans le coup, je sens le coup, je bois tout, j'arrache tout avec un flot de ouf. Je te touffe comme un zoulou, j'encaisse tout, j'accepte tout. Que ça soit un espèce ou un chèque, chèque, nigga. Il faudra des sous, la vie est courte, écoute. J'en profite, écoute, je me casse pas la tête. J'ai toujours la tête haute, et j'ai les antibodes quand ça pète. J'ai toujours le moral pour être net. Je passe un gros dédicace pour les potes dans la piste. Le refrain sur le viseur qui vise la réussite. Mais t'inquiète, l'état s'en os, orageux en attendant, fais la fête. On est pas veux, on envoie du mur quand les orages pètent. Au passage, vous les pétez les portes et pétez la chaîne. Une tourne ma cire si les pétez tes côtes. Un microphone checkpoint. Cherche juste bonne, mais t'inquiète, je rigole. Cherche juste la clé et dans la réussite. Pointe pote, mon pote et l'oser, c'est pas pareil. J'essaie toujours de voler avec mes ailes. Encore et encore du lourd dans vos oreilles. Un beat hardcore pour vous mettre en veille. Les MC sont en deuil, faut que ça paye. Donc les MC mouillent. Ça boycott anti-sextoy. Le boy et je m'étaille. Si ça pue la drouille, faut que j'aille. J'attends le temps, c'est de la monnaie raye. Je fais tomber les douilles, le court parcours. Tu me verras pas arriver comme le tsunami. La troisième tête de partie, fuck nigga. Et je les ventre vite, boy, et je graille. 976 à ma plaque de marticule. Wasri Nazatru toujours fidèle. A nous-mêmes on est allé, je suis engagé. Je ne cède pas les bras, je m'en bats les couilles moi. Ça vient de 97 Tita. 997 Tita. Sama morde wa miana pa toujours dans le système arrive à nous chiriza. Représente 976 sans oublier mon quartier m'tadze bonobo. Sama morde wa miana pa toujours dans le système arrive à nous chiriza. Représente 976 sans oublier mon quartier m'tadze bonobo.